esta especie de... Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Don de Lenguas, el programa del Departamento de Traducción e Interpretación de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Yo soy Carlos Collantes y estoy con mi compañera Cristina Silvares. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Estamos aquí hoy con Cristina, para, como ya he dicho, para presentar un congreso que va a tener lugar este fin de semana en la Facultad de Traducción, ¿verdad, Cristina? ¿No? Bueno, pues dime tú dónde tiene lugar. No, en la Facultad de Geografía e Historia, el viernes 14 y el sábado día 15, será el congreso que organiza ASETRAD para celebrar su quinto aniversario. El lema será la traducción en el próximo quinquenio y contará con ponencias de profesores de traducción e interpretación y además habrá mesas redondas en las que participarán distintos profesionales como traductores, traductores autónomos, grandes empresas y intérpretes. Y también habrá una serie de talleres prácticos. Muy bien, Cristina. Parece que va a ser bastante interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahora creo que deberíamos dar paso a la entrevista que nos ha brindado nuestro profesor y colaborador Pablo Dengler a la profesora Christine de Brouwer, que es traductora e intérprete del Tribunal Constitucional de Bélgica. Bonjour, madame Christine de Brouwer. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui dans notre programme Don de Lenguas, madame Christine de Brouwer, traductrice, traducteur et interprète de conférences belge, spécialisée dans la traduction juridique, et aussi professeure de l'école Lessius de traduction à Anvers, en Belgique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Salamanque en visite privée. Vous avez eu la gentillesse de venir nous rendre visite à la faculté de traduction. On vous en remercie vivement. Vous êtes, comme j'ai dit, traducteur et interprète dans la cour, auprès de la Cour constitutionnelle en Belgique. Oui, tout à fait. Et donc, vous travaillez surtout sur des textes juridiques. Oui, tout à fait. Vous êtes toujours consacré à la traduction juridique. Non, pas toujours. Pas toujours. Au début de ma carrière, j'ai aussi travaillé comme interprète freelance dans les institutions parlementaires en Belgique. En Belgique. La Chambre des représentants, le Sénat et le Parlement de la région capitale de Bruxelles. Mais donc toujours dans un contexte institutionnel. Oui, toujours. Parce que la Belgique, c'est un pays où il y a trois langues officielles, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui, c'est un pays compliqué, très compliqué même. Si je voudrais bien vous demander de nous expliquer brièvement la situation linguistique de la Belgique pour certains de nos auditeurs qui peuvent peut-être ne pas la connaître. Vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, oui. Avec plaisir. La Belgique, ben, la plupart des gens pensent qu'il y a deux langues en Belgique, le flamand, le néerlandais et le français. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est que nous avons une troisième langue nationale, l'allemand. Les cantons de l'Est, Eupen Malmedy. Et c'est écrit dans notre constitution que nous avons trois communautés et trois régions. Les trois communautés sont la Flandre, la communauté française et la communauté germanophone. Et puis, nous avons aussi trois régions. La région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une correspondance entre région et communauté linguistique. Non. C'est-à-dire, en Flandre, c'est le même ministre-président qui exerce de ministre-président de la région et de la communauté. Oui. Et en Flandre, il n'y a qu'une seule administration. Mm-hmm. Mais en Wallonie, c'est différent. On a le ministre-président de la Wallonie, de la région, oui. Et on a un autre ministre-président pour la communauté française. Et puis, on a Karl-Heinz Lambert, qui est le ministre-président de la communauté germanophone. Mais pour les matières régionales, là, la communauté germanophone, son territoire, fait partie de la Wallonie. De la Wallonie. Et puis après, la région de Bruxelles-Capitale, y a beaucoup de polémiques. Qui est bilingue un peu, non? Qui est bilingue. Et il y a des hommes politiques en Flandre et en Wallonie qui sont d'avis que la région de Bruxelles-Capitale n'est pas une région à part entière. D'accord. Donc on a... c'est assez compliqué. C'est un état un peu compliqué du point de vue administratif, mais aussi du point de vue linguistique. Du point de vue linguistique aussi. On a trois langues officielles et toutes les lois, tous les arrêtés ministériels, tous les documents produits par l'administration doivent être impérativement traduits dans les trois langues. Il y a des aménagements. Impérativement en néerlandais et en français, parce que les germanophones font beaucoup de concessions. D'ailleurs, ils le disent d'eux-mêmes, et je crois qu'ils ont raison, ce sont aujourd'hui les seuls véritables Belges, parce que la plupart d'entre eux sont parfaitement trilingues, ce qui n'est plus le cas ni en Flandre ni en Wallonie, parce que c'est une des grandes bêtises qu'ils ont commis en Belgique, c'est qu'au début des années 70, ils ont laissé le choix libre pour la deuxième langue. Avant, tous les enfants en Flandre, obligatoirement, ils apprenaient le français comme deuxième langue, en Wallonie le néerlandais, mais à partir des années 70, 70 en Belgique, la plupart ont choisi l'anglais. Ce qui fait que le fossé entre les flamands et les wallons ne fait que se creuser. C'est terrible. C'est-à-dire que dans les générations les plus âgées, on peut encore rencontrer des gens parfaitement bilingues. Exactement. Mais parmi les jeunes, c'est de plus en plus difficile. Oui, c'est de plus en plus difficile. D'ailleurs, pour trouver de bons collaborateurs, à la Cour constitutionnelle, au service de traduction, ce n'est pas une chose aisée. C'est que parfois, ils parlent mieux l'anglais ou l'espagnol que l'autre langue nationale. Exactement, oui. Je comprends. Donc, la plupart des documents qui doivent être traduits le sont du néerlandais vers le français ou du français vers le néerlandais. C'est-à-dire, au tribunal, je fais deux choses, donc à la Cour constitutionnelle. Quand je suis en haut dans mon bureau, je traduis du français en néerlandais, mais je ne tape jamais moi-même. Donc c'est toujours un travail oral parce que je travaille avec dictaphone. Oui. Donc quand je suis dans mon bureau, c'est une simultanée où ce sont mes yeux et ma bouche qui fonctionnent en même temps. Et quand je suis en bas avec les juges pour certains délibérés, là c'est du néerlandais en français. Donc vous faites de la traduction, même si c'est une traduction un peu spéciale parce que vous le faites ça oralement et vite. Et vous faites aussi de l'interprétation simultanée pendant les procès, audiences publiques, etc. Surtout pendant les délibérés. Ah, pendant les délibérés, il faut traduire parce que les juges... Oui, parce qu'il y a un juge qui ne maîtrise pas suffisamment bien le néerlandais. Et quand lui, il est juge rapporteur, il faut que je descende. C'est-à-dire que finalement, en Belgique, à la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de secret de délibération parce qu'il y a toujours un interprète au milieu. Mais l'interprète est prié de se taire. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais l'interprète n'est jamais au courant. Par exemple, à Luxembourg, les interprètes n'ont pas le droit de rentrer, donc tous les juges doivent parler français, impérativement. Ah, non. Et avant de nommer un juge, on fait attention qu'il puisse parler français, au moins comprendre le français d'une façon correcte. C'est très intéressant. Parmi les avocats, ça se passe comment? Ils ont le client a le droit de choisir la langue de la procédure ou ça dépend? Il y a des règles? Ce n'est pas un choix libre? Ça dépend du tribunal. Non, la procédure se déroule dans la langue du justiciable. Oui. D'ailleurs, en Belgique, quand on saisit la Cour constitutionnelle, le justiciable, il n'est pas obligé de prendre un avocat, de se faire assister par un avocat. Maintenant, il est évident que presque tout le monde le fait parce que le monde juridique est très compliqué et les gens ne s'en sortent pas. Donc, mais ils ne sont pas obligés de le faire. D'accord. Donc, même un Belge francophone qui se trouve devant un tribunal dans la partie flamande, il a le droit de parler en français et de se faire interpréter et, oui, tout à fait. Et de tout soumettre des documents écrits en français un peu partout dans le pays. Oui. C'est très intéressant, c'est un droit qu'en Espagne on n'a pas. même on a des différentes langues officielles, mmh. mais elles ne sont pas au même niveau. Disons qu'on ne peut pas soumettre des documents écrits en catalan ou en basque devant un tribunal en Castille ou en Madrid. Non. Le justiciable peut parler sa langue. Donc en Belgique, vraiment, il y a un système de véritable officialité des deux langues principales. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que le président du tribunal de première instance, M. Ivo Mouyerson, a pris l'initiative il y a 8 ans de collaborer avec le département de traduction et interprétation de l'Université de Louvain, qui est l'école Lesius à Anvers, justement parce qu'il en avait marre que tout un chacun qui vient de déclarer qu'il parle X langues puisse devenir traducteur juré, mais sans prouver quoi que ce soit. Bien sûr. Ça ne va pas parce qu'on joue avec les droits de la défense. Bien sûr, tout à fait. Donc maintenant, il y a une formation sérieuse. C'est un diplôme d'État. Même à tel point que les traducteurs jurés, qui figurent déjà sur la liste, oui. maintenant, ils doivent former une formation de type court, une formation réduite, sinon ils n'auront pas de travail. Mais il faut donc avoir un diplôme en traduction et obtenir Un certificat de l'école Lesius à Anvers. D'accord. Et c'est des traducteurs qui travaillent de façon, ils travaillent à leur compte. Oui, ce sont des traducteurs qui travaillent à leur compte, qui travaillent déjà pour l'ordre judiciaire, mais à Anvers, et ça c'est unique, parce que c'est un cas unique en Belgique, hein, ça c'est uniquement pour l'arrondissement d'Anvers. Donc c'est un peu la compétence des différentes régions ou arrondissements, oui. même. C'est pas une mesure adoptée à niveau national. Non, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à cette initiative, bien mais sûr. Bon, en Belgique tout est compliqué et il faut aussi des subsides. Anvers a pu démarrer la formation à l'époque parce que le ministre de la Justice était un néerlandophone. Mais bon, la donne politique change et puis il y a d'autres priorités et voilà. Et ce système qui est très cher, il est critiqué par certains ou il est considéré comme absolument essentiel du point de vue constitutionnel et donc personne du point de vue constitutionnel, question, oui. Mais il n'est pas du tout critiqué comme parfois. Non. Par exemple, la loi spéciale sur la cour d'arbitrage prévoit qu'il y a une traduction simultanée. Oui, c'est la situation actuelle, mais il n'y a personne qui met ça en question, qui dit que c'est trop cher, que les délais produits par ce besoin de traduction sont trop longs. Non, il n'y a pas une mise en question de ce régime linguistique généreux, disons. Non. Donc c'est bien, c'est parfait, c'est vraiment une raison pour se réjouir. Et dites-moi, les lois et les différents les arrêtés ministériels en Belgique, etc., j'imagine doivent être traduits au moins dans les deux langues principales. Oui. Ouais. Et ceci est fait par l'État lui-même. Il a un groupe de traducteurs à son service. Tout à fait. Les institutions parlementaires ont leur propre service de traduction. Mais c'est toujours une traduction. C'est pas un système de co-rédaction. Au moment où les lois sont rédigées, il y a une intervention des traducteurs ou des experts linguistiques ou pas ? Non. C'est soit celui qui a tenu la plume est un francophone, soit c'est un néerlandophone, et tout est traduit. Donc les institutions disposent de leur propre service de traduction. Donc toutes les lois sont donc traduites et non pas co-rédigées ? Non. Ce qui peut produire certains problèmes de disparité entre différentes versions. Non, parce que les services disposent d'un service de concordance. Oui, donc il y a des juristes linguistes qui sont tout à fait. Là pour vérifier. À la Cour constitutionnelle aussi, il y a une révision finale et puis il y a une phase de concordance. Vous n'avez jamais... Pareil au Conseil d'État. Toutes nos institutions fonctionnent de cette manière-là. Et c'est un système qui marche, il n'y a jamais des problèmes de disparité, comme par exemple au niveau de l'Union Européenne, il y a souvent des problèmes de disparité. Bien sûr, on a davantage de langues, oui. mais les parfois, problèmes de disparité ça arrive, parfois ça arrive, parce que parfois dans nos arrêts, nous citons les travaux préparatoires, nous faisons des recherches, et voilà, on constate qu'apparemment, la version française est un peu plus courte ou plus longue que la néerlandaise et qu'il y a eu un petit problème à la Chambre ou au Sénat. Mais bon, ce sont des cas plutôt rares. Mais donc, vous n'avez pas encore eu l'occasion d'assister à une audience à la Cour constitutionnelle où il fallait trancher lesquelles des deux versions étaient l'authentique et la bonne parce qu'il y avait un problème de disparité. Non, ça, on n'a pas encore eu. Donc pour l'instant, c'est simplement des questions d'interprétation générale de la loi qui est identique, disons, ou équivalente dans les deux versions, et qu'il faut interpréter en général, un peu indépendamment du problème linguistique. J'imagine que c'est un problème qui va se poser avant ou après. Donc. Oui, tôt ou tard, ça va se produire. Enfin, jusqu'à présent, touchons du bois, on n'a pas encore eu le cas. C'est très, très intéressant. Et j'imagine que dans votre pratique professionnelle, la Cour constitutionnelle belge, vous avez dû connaître des anecdotes très intéressantes, au moins de point de vue linguistique, qui peuvent intéresser nos auditeurs. Oui, parce que les sujets à la cour sont très variés. Hein. Bien sûr. Ça peut aller de lapins qui rongent les cultures des agriculteurs à des reconnaissances de paternité, des problèmes belgo-belges qui ont à voir avec notre guéguerre linguistique. Oui. Oui, mais donc c'est pas des problèmes vraiment linguistiques, c'est plutôt des problèmes qui ont à voir... Oui, avec le sujet. Je peux pas dire. Non, c'est plutôt dans ma vie professionnelle comme interprète freelance que je me suis retrouvée de temps à autre dans des situations où c'était pas facile. Et je me souviens d'une anecdote un jour au Sénat, et heureusement, c'était hors commission. C'est que bon, les parlementaires attendaient jusqu'à ce que le président de commission arrive. Et c'était notre ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Louis Tobac. Et un détail non pas sans importance, cette anecdote date de la période avant Noël. Il y avait un sénateur qui s'appelle M. Pack. Et voilà que M. Tobac disait à M. Pack, « Mais M. Pack, vous n'allez tout de même pas croire que je vais acheter un pack dans un sac et encore à Noël. » Intraduisible. Et j'étais très contente que c'était hors commission, parce que ça, on est coincé, on ne peut pas traduire ce genre de jeu de mots. C'est un jeu de mots impossible à traduire dans une langue. Oui. Oui, tout à fait. C'est très, très intéressant. Vous évoquez souvent le problème linguistique... de la Belgique. Qu'est-ce que vous pensez que ça va être? Quel est votre sentiment sur l'avenir de la Belgique? Comment est-ce que ces problèmes vont évoluer dans l'avenir? C'est difficile à dire, mais moi personnellement, je suis assez sceptique et je vous cache pas que l'année dernière, il y a eu un moment que j'ai vraiment eu peur que le pays n'éclate. Mais moi personnellement, j'ai jamais eu de problème. Je suis bilingue, donc pour moi, ça relève du surréalisme. Mais c'est dû à ma situation personnelle. Et je crois que une solution réside, ou une solution pourrait être que on change de niveau ce système et que la deuxième langue nationale devient de nouveau obligatoire. Donc en Flandre, qu'on apprend de nouveau en Flandre d'abord le français avant d'apprendre toute autre langue. Et si moi j'étais ministre de l'enseignement, ben je commencerais déjà à enseigner la deuxième langue nationale le plus tôt possible à l'école primaire. Donc je crois comprendre le problème, à votre avis, c'est un problème surtout linguistique et non pas économique ou culturel en général. Le problème, c'est un problème plutôt linguistique qu'il faut résoudre. Non, le problème est économique aussi. Mais les gens, parfois, oublient l'histoire. Parce qu'au 19e siècle, la situation était à l'inverse. Oui, ouais. C'était la Wallonie qui était riche. Et maintenant, c'est la Flandre qui est riche. Mais il faut faire attention. Bien sûr. Parce que l'histoire fonctionne avec des cycles. Oui. Et la donne peut vite changer. Mais quand même, vous êtes optimiste sur l'avenir de la Belgique. Vous ne pensez pas que la Belgique court un risque de... Je crois que nous avons tout intérêt que le roi Albert II vive encore très longtemps. Oui. Parce que je crois que ça va être un cap très difficile. Le moment de la succession. Oui, le moment de la succession. Bon, espérons qu'on ait le temps de préparer ça convenablement et Oui. d'éviter tout risque de rupture. L'histoire nous le dira. L'histoire nous le dira. Merci beaucoup, Madame Christine de Brouwer. Ça a été un véritable plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je vous remercie vraiment. Merci beaucoup. Ça a été avec plaisir. Merci. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Christine por esta entrevista tan interesante. Y para terminar, desde aquí queríamos dar un último apunte y es que el equipo de Donde Lenguas hemos creado un blog en internet donde estamos colgando los programas que vamos haciendo. La dirección del blog es http, dos barras, o sea, dos puntos, dos barras, programadondelenguas.blogspot.com. Y bueno, desde aquí ya nos despedimos. Muchas gracias, Cristina. Nada, muchas gracias. Y anunciaros que el martes que viene dedicaremos nuestro programa al Congreso de Asetra que se celebra esta semana. No nos lo perderemos. Muchas gracias también al Control y a nuestros compañeros de Radio Universidad, a Paula, Alberto y Elena.